l'espoir s'éclaire avec leur emploi fictif. Aujourd'hui, qui vole un œuf ira en prison. Qui vole un bœuf finira à Matignon. Et là, contrôle la crise dans les ministères. Sans des chambres de misère. Elle ne tue que les précaires. Jamais tranquille, on t'envoie sur une île, en souvenir du bagne, nos voeux vous accompagnent. Ça pique comme un milord, tu joues au cousu d'or, tu veux prendre le large et sortir de la marge. Sur les trottoirs qui scintillent, les garces aux talons aiguilles ont dilaté leurs pupilles. Encore un petit effort. Pour changer le plomb en or, j'y étais presque, et pourtant, cette mélodie me joue des tours, et me fait de l'ombre tous les jours. Reste la manoya, reste la manoya, reste la manoya, reste la manoya, reste la main. Reste la manoya, reste la manoya, reste la manoya, reste la manoya, reste la main. Tu veux changer de peau, voler beaucoup plus haut, ça te file entre les doigts, t'avais pas prévu ça. Jolie fleur carnivore, tu veux ton passeport sur les grands continents, y'a pas de sentiment. Les trésors de pacotille, les poupées qu'on déshabille ont des regards inquiétants. Sédentaires rêves des îles où le monde entier défile. J'y étais presque et pourtant, cette mélodie me joue des tours et me fait de l'ombre tous les jours. Reste la manoya, reste la manoya, reste la manoya, reste la manoya, reste la main. Reste la manoya, reste la manoya, reste la manoya, reste la manoya, reste. Personne, quel est le vrai visage de mon ancien naufrage? Je voulais aller sur une plage, m'allonger comme un sauvage, oublier, tourner la page. Pour l'instant, dans la centrale, je travaille le code pénal. Tous, auditeurs et auditrices de Radio Air Libre, et bienvenue à notre émission des livres pour dire, émission du mois de mai, sous le soleil de Bruxelles, ça fait du bien, une émission qu'on organise tous les mois, mais qui à partir du mois d'avril, eh bien, est rediffusée en fait une fois supplémentaire, donc elle sera rediffusée dans 2 semaines, donc n'hésitez pas à faire passer le message, mais surtout rester en ligne, rester à l'écoute où que vous soyez, dans votre jardin, dans votre appartement, dans le parc, dans votre voiture, ou encore, qui sait, au travail. Alors, voilà, on a aujourd'hui à la technique Sylvie, notre fidèle Sylvie qui nous accompagne et qui vient du collectif de la ligne 10. Pour ma part, je participe à plusieurs collectifs d'écrit, mais en particulier, je tiens à faire remarquer qu'aujourd'hui, il y a eu une présentation du collectif de la diversité à la créativité. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous avons présenté pour la première fois notre compilation de textes « Course à l'envers ». Alors aujourd'hui on va faire un temps de pause, une heure de pause, une heure où on va prendre le temps de parler des biens communs et du lien aussi des biens communs avec Scripta Linea. Et on va aussi prendre le temps de voyager un peu dans tous les continents. Et donc, on va voyager du continent européen au continent africain. On va passer par l'Asie aussi. Et puis, surtout, on va s'inviter au Brésil, en Amérique latine, où nous allons pouvoir en fait avoir un échange avec Ana Angelica dos Santos, qui est une des fondatrices de Scripta Linea. C'est une personne en fait qui a suivi une formation de lettres ici en Belgique, mais qui est retournée là-bas et puis qui a souhaité vraiment lancer des collectifs d'écrit là-bas au Brésil. Alors, c'est des collectivos de escrita, elle va le prononcer beaucoup mieux que moi, parce qu'effectivement, ce sont des projets qui se développent en portugais là-bas au Brésil. Alors, on va faire le test en live, on va l'appeler et on va espérer qu'elle va être vraiment bien connectée. Donc, on peut remercier la technique, la technologie, mais je crois qu'effectivement, elle nous attend impatiemment de l'autre côté de l'océan Atlantique. Alors, Sylvie cherche un petit peu le bouton, voilà, on entend la sonnerie. Petit suspense du direct qui va nous dire si Ana est de l'autre côté de la ligne. Alors, elle ne répond pas. Bien, nous allons réessayer peut-être un petit peu plus tard. Aujourd'hui, nous parlons des biens communs. Pourquoi ? Parce que Scripta Linea, qui est un réseau de collectifs d'écrit, a comme sous-titre la formulation suivante. C'est un réseau international d'écriture littéraire et sociale pour le bien commun. Donc, la notion de bien commun est vraiment inscrite dans le projet de Scripta Linea, et c'est dans ce sens-là que effectivement c'est essentiel en fait d'en parler aujourd'hui. Et donc ce que on a en tout cas comme projet, c'est d'en parler à travers le projet d'Ana Angelica. C'est-à-dire que le projet là est né déjà depuis quelques années et il y a déjà trois compilations de textes qui sont réalisées ou qui sont en cours. Donc, pourquoi les biens communs ? Alors, on peut parler vraiment de diversité culturelle. L'idée, c'est vraiment de favoriser la diversité culturelle à travers le projet des collectifs d'écrit. Donc, il est clair qu'il y a une ouverture dans les collectifs d'écrit à toute personne qui a envie d'écrire et qui a envie de s'investir dans un projet collectif. Mais dans cette optique-là, il y a vraiment l'idée de donner la voix à toute personne. Et dans cette voie donnée à toute personne qui est prête à rentrer dans cette dynamique, évidemment, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, le projet est a été d'emblée un projet international. Donc, quand on a lancé le projet, on pensait à cette dimension internationale. Et puis, quand on a créé l'association, qu'on a déposé les statuts, eh bien, on a tout de suite déposé des statuts pour une AISBL. Et ce petit I qui titille quand même assez souvent les personnes dont on, à qui on parle pour la première fois de Scriptalinia, mais c'est le petit I de l'international, donc une association internationale sans but lucratif. Et donc, l'idée, c'est bien de donner la voix à tous et pas uniquement aux francophones, par exemple. Et donc, ce projet, il est développé aussi dans différentes langues. Il est développé donc, en français, en portugais, mais aussi en espagnol jusqu'à présent. Et puis là, je vous parlais ce matin de cette présentation ce matin de la diversité à la créativité. Eh bien, ça a été une première présentation bilingue français-néerlandais. Il faut savoir qu'à Bruxelles, on est bilingue, hein, on parle effectivement les deux langues. Et ce collectif-là est le premier collectif qui est vraiment bilingue français-néerlandais. Et donc, on a une compilation qui est réalisée en deux langues et qui est sous presse pour l'instant. Et donc, évidemment, si vous nous entendez, que vous avez envie de lancer un projet dans quelque langue que ce soit, eh bien, c'est possible. Donc, sachez-le, je vous dis déjà maintenant qu'en fait, il y a possibilité de suivre une formation à la création et à l'animation d'un collectif d'écrit. La prochaine formation aura lieu les 13 et 14 juillet à Bruxelles. Alors, vous avez toutes les informations sur notre site internet www.collectif-d'écrit.org. Mais bien sûr, si on est de l'autre côté de l'océan, il n'y a pas toujours la possibilité de nous accueillir. Et donc, pour donner la formation. Et donc, en fait, il y a aussi des possibilités de se connecter par Skype. Alors voilà, je propose à Sylvie peut-être de faire une petite pause musicale et puis on va espérer qu'après la pause musicale, on puisse se connecter avec Ana Angelica dos Santos du Brésil. Songo, yeah. songa mamana banai e songa ye ye ye yo sundo ni ngai na bana mama o tiki ngai na pasi na motema Sano te mama e Kasi komi le la te Nazali se wayo e Tika komi banza Mote mana pesana yo e Africa na mawa, yo mosika na Europa, mama e he he, zonga ye he, zonga mama na bana e, baka mataka decision moje, wana ya mama, yo soma kuruba pamba. Izari songi songi Ale de Berk Nous avons entendu Mastaki Bafa qui nous interprétait Rafiki. Alors voilà, Mastaki Bafa, c'est un musicien qui est né à Bukavu en 1965 et qui dit de sa musique « Ma musique vient du cœur profond de l'Afrique. Elle s'adresse aux êtres humains qui, ici et partout dans le monde, recherchent la paix sans faire de grands discours, mais avec la profonde émotion et la poésie d'une musique engagée contre les égarements de l'intelligence humaine. » Et donc, voilà, on revient dans les studios d'Europe, de Belgique, de Bruxelles. C'est vrai qu'on peut parfois penser un petit peu à la folie des hommes. Et la musique, l'art sont là peut-être pour interpeller les politiques, notamment sur l'importance de préserver les biens communs. Et à l'heure actuelle, c'est un peu dans ce cadre qu'on parle aussi de ces biens communs. À l'heure actuelle, il y a vraiment un questionnement qui se pose en Europe, mais on peut dire au-delà, dans le monde entier, sur la question de l'économie néolibérale qui fait que bafoue, en fait. On bafoue les droits humains, mais pas que humains, les droits aussi liés à l'environnement. Et on bafoue ce qui est de l'ordre du bien commun au profit, je vais dire, du gain, au profit des multinationales, au profit de tout ce qui éloigne, en fait, l'humain de l'humain, du cœur, des sentiments, on peut dire aussi du bon. Alors, je ne vais pas être dans du manichéisme non plus, mais quand même, on est dans une logique où on est de moins en moins attentif à faire entendre les sans-voix. Et c'est aussi dans cet esprit-là qu'est né ce projet des collectifs d'écrit, de mettre en place vraiment des dynamiques positives, volontaires, de personnes, de citoyens qui croient effectivement pouvoir agir pour le bien commun à travers rien que leur existence déjà. Et donc, on parlait de diversité culturelle tout à l'heure. Je fais un petit crochet par le site de Radio Air Libre, le site de Radio Air Libre qui est radioairlibre.be et justement dans un de ses onglets met en évidence l'importance de cette diversité culturelle. Et donc, en lien à la diversité culturelle, on a la notion de démocratie, la démocratie culturelle. Et donc l'idée vraiment de donner plus de place à tous au niveau de la démocratie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Sylvie me fait signe comme quoi on a de nouveau une connexion par Skype avec Anna Angelica. Alors, ça va être le suspense. Est-ce qu'effectivement, ce signal était bon ou pas? Voilà. Ah. Anna, est-ce que tu nous entends? Oui, j'entends. Je vous entends. Je t'entends. Ah, c'est parfait. Bienvenue sur Radio Air Libre. Ah oui, c'est un plaisir de participer avec vous de ce programme. Voilà. Directement du Brésil. Oui. Un plaisir partagé et c'est une vraie première pour nous d'inviter comme ça le Colectivo Entre Linhas, donc un collectif brésilien sur les ondes de Radio Air Libre. Donc on est particulièrement émus de ça aujourd'hui, nous ici, Anna. Eh bien, nous aussi. Alors Anna, j'ai fait une petite présentation de toi tout à l'heure, quand on essayait de se connecter avec toi. Mais donc, est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment t'es venue l'idée de rejoindre le projet de Scriptalinha et même de le fonder, hein, puisque tu es parmi les fondatrices de la ISBL. Peut-être expliquer ta façon de voir en fait la place des biens communs dans ce projet de Scriptalinha. Eh oui, bon, l'invitation bien sûr est venue de ta part, Isabelle, et cela m'a fait un grand plaisir, oui, de te répondre, de participer à ce projet. Bon, je suis là avec un groupe d'étudiants qui sont étudiants de l'Université fédérale de l'Ouest de Bahia, donc une région d'une culture très diversifiée, comme tout le monde sait. Et nous avons donc choisi, bien sûr, et accepté de participer à ce projet et de ce réseau d'écriture qui est une façon de chacun s'exprimer à sa façon sur un thème d'écriture, un thème de société. Et après, bon, au cours du projet, tout le monde participe de la discussion sur les textes, tout le monde fait des propositions. Et normalement, on arrive à des textes très riches au niveau de la diversité culturelle. Mm-hmm. Donc, chacun aborde le thème à sa façon. C'est le même thème travaillé par tout le groupe, mais chacun l'aborde à sa façon. Et tout le monde, évidemment, introduit dans son texte son univers culturel, sa diversité, évidemment. Oui, oui. Et donc, quand tu dis chacun l'aborde à sa façon, est-ce que tu peux donner des exemples d'abord d'un thème que vous avez choisi, et puis, et puis alors un petit peu, voilà, comment l'un ou l'autre l'a traité? Oui, voilà. Bon, au cours du projet que nous sommes en train de finir, nous avons choisi la diversité culturelle et la vie urbaine. Oui. Donc, nous avons par exemple un texte très intéressant. Tous les textes, ils ont sa caractéristique, oui, propre, mais un texte par exemple qui fait une réflexion sur la vie d'un couple avec des enfants qui sont partis du nord-est du Brésil, comme on sait, c'est une région pauvre, et sont partis à São Paulo dans l'espoir de trouver une meilleure vie, quoi. Oui. Et de trouver du travail, tout ça. Et pourtant, comme ils n'ont pas de qualification professionnelle, ils arrivent là-bas et ils continuent à vivre en dehors de la vie. Et continuent à vivre une vie de périphérique, une vie pauvre, disons. Donc, c'est une réflexion sur une, disons, c'est une réalité au Brésil, ça, hein? La oui. question du déplacement des gens d'une région pauvre vers une région riche, et que pour ça ne change rien dans la vie de la personne, sinon au cours du temps, avec certaines mesures qu'il doit. Voilà. Mm-hmm. Il y a aussi, disons, il y a aussi un texte qui parle, par exemple, de l'expérience, oui, de l'expérience de la personne, du membre du collectif écrit, qui est venu de la région rurale vers la région urbaine. Et alors, elle fait une réflexion sur les différences entre la vie dans une petite ville, dans un village où tout est bien, disons, où il y a une grande amitié entre les personnes, et la vie dans la grande ville où elle doit se battre pour réussir et pour créer des relations et voilà. Et où on doit réapprendre, en fait, le lien social, alors, c'est ça? Exactement, oui, exactement, oui. Mm-hmm. Uh-huh. Et donc, mais... est-ce que tu pourrais dire que finalement, au niveau du bien commun, c'est quelque chose qui se pose peut-être davantage dans un milieu urbain que dans un milieu rural, ou bien ou pas? Oui, ça c'est une question très intéressante, parce que en fait, ce que le milieu urbain permet, permet à la personne de reprendre ses études, oui, de se développer professionnellement, mm-hmm. mais il y a des valeurs fondamentales qu'elle garde et qui viennent avec elle depuis ses origines, mm-hmm. les premières origines, la famille, les amis. Donc, la vie urbaine, elle est vue comme une vie un peu, c'est pas simple d'expliquer ça, mais c'est une vie qui y a beaucoup de défis, disons. On doit peut-être réapprendre à nouveau le lien avec les autres. Et oui. puis, voilà. Et effectivement, dans ce que tu expliques, ce qui est évoqué dans ces textes, c'est aussi qu'on est désapproprié finalement de son être profond, son, son être vivant, de cette possibilité finalement de faire partie de et de s'exprimer. Et c'est ça aussi la culture. Hein. La culture, on va la développer avec d'autres, évidemment. Donc... Et alors, ce qui est intéressant, si je me permets, c'est que le collectif d'écrit devient ce groupe. Il crée un lien, justement ce lien qui manque, disons, peut-être qui manquait à la personne en ce moment, mm-hmm. dans cette nouvelle vie, tu vois? Mm-hmm. Parce que là, on crée un lien de solidarité, d'amitié, de complicité, et c'est quelque chose qui devient très fort dans le groupe. Oui, c'est ça. Et donc, mmh. effectivement, déjà, réseau d'écriture littéraire et sociale pour le bien commun, mais le bien commun, ça va être en tout cas un sujet qui va être important dans le groupe, parce que c'est essayer de voir, tiens, de quoi est-ce qu'on a besoin tous ensemble pour fonctionner. Mmh. Et évidemment, effectivement, au-delà du choix du thème qui va être un thème de société, c'est voir effectivement de quelle manière on peut se sentir finalement bien ensemble. Hein. C'est vraiment décortiquer le mot, enfin l'expression bien commun. Je fais référence peut-être parce que c'est un sujet qui est vraiment... très très fort d'actualité ici en Belgique en tout cas, et en particulier peut-être à Bruxelles, enfin dans les villes où on essaye effectivement de rétablir en fait des dynamiques collectives qui sont pas uniquement axées sur le profit individuel mais sur le bien commun. Et le bien commun, ça peut être aussi le bien qu'on se fait dans un groupe, mais ça peut être aussi au-delà. Et par exemple, à Watermael-Boitsfort, il y a eu toute une série, en fait, un cycle de réflexion sur la transition et sur l'importance, en fait, des communs, vu comme un projet politique. Et donc, l'idée, c'est de faire germer, en fait, ces communs, ce qu'on a en commun et qu'on a envie de faire vivre et de rendre vivant, pour tisser ensemble une société où le soutien mutuel prévaut sur l'accaparement individuel. Donc, sur leur site, il y a le site de la Vénerie, il y a un petit texte où ils invitent, en fait, à inventer d'autres relations pour gérer et partager collectivement nos ressources matérielles et immatérielles. Réinventons le futur en nous réappropriant ces biens communs de l'humanité. Et donc, je trouvais que c'était une bonne expression aussi de se dire, il y a quelque chose à faire par rapport à l'aujourd'hui et le demain, et puis qui ne concerne pas que nous, individus, qui concerne le groupe, un groupe qui est en ville, mais aussi qui concerne la planète entière. Et donc, dans ce sens-là, en fait, on peut se dire que les biens communs touchent certainement aussi bien la campagne que la ville, parce que le souci de l'autre et de l'environnement dans tous les sens du terme, il doit être présent en fait dans toutes les parties. Sinon, effectivement, on est dans un déséquilibre. Enfin voilà, pour info, là, il y a encore un dernier rendez-vous. Il y a un rendez-vous le 20 mai à 18h30. À la Vénerie, mais le 17 juin, il y a vraiment une clôture de l'ensemble de ce cycle-là qui a travaillé sur les questions de transition et sur l'importance des communs, et il y aura vraiment une sorte de synthèse. Donc ça peut être très bien si vous habitez à Bruxelles ou pas trop loin de vous y rendre, donc le 17 juin à 18h30. Enfin voilà, ça c'est vraiment une réflexion. Je ne sais pas si au Brésil il y a autant de réflexion. Est-ce que tu peux peut-être nous témoigner de ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de soucis pour le bien commun? Ah oui, Isabelle. Oui, je pense que ça, c'est un thème qui intéresse à tout le monde en ce moment, en ce début du nouveau siècle. et que c'est pas tellement début, mais disons que oui, c'est un thème commun entre très, oui, très, très présent dans les discussions, dans les travaux des étudiants. Et moi, je travaille dans le domaine des humanités. Donc, c'est un moment de réflexion. Les études, c'est un moment de réflexion à propos de ce sujet qui nous inquiète tellement aujourd'hui. D'accord. Alors, on va faire une petite pause qui vient peut-être à l'encontre au niveau du titre, parce qu'on va écouter en fait un extrait d'un album de Trio. Donc, Trio, c'est un groupe alternatif français. Et puis, on va écouter sa chanson « J'ai rien prévu pour demain ». Je pense que demain matin, j'aurai du mal à me lever. Je ne ferai pas 39 heures pour 35 francs de l'heure et vos 5000 francs de bonheur. J'en veux même pas pour mon 4 heures. Ok, je me lève un peu tard, j'enchaîne direct sur un pétard. Mais c'est que ma vie ne va pas vers les dollars. Pourrais me rapporter ma guitare. Ma vie n'est qu'une utopie, un monde tranquille, sans trop d'hypocrisie, où tout le monde a compris que donner à quelqu'un c'est se faire un ami. Où sont les politiciens qui savent que j'existe, ceux qui pourraient dès demain nous mettre sur la bonne piste. J'insiste, dès maintenant, je veux voir la liste de tous les anciens du front de libération utopiste qui va se mouiller pour les droits de l'enfant, pour que tout le monde ait droit à un appartement. Apparemment personne n'est prêt à aller de l'avant. C'est vrai que pour pouvoir penser il faut avoir du temps. Le pouvoir, les dollars, l'exploitation, le marché noir, ça laisse très peu de temps à ceux qui crèvent sur le trottoir. Plus d'espoir pour y croire, juste quelques cauchemars. Même plus droit à un rêve, juste à une vie illusoire. J'ai rien prévu pour demain, mais c'est déjà bien d'y penser. Et je pense que demain matin, j'aurai du mal à me lever. Pourrions-nous avoir du temps pour savoir qui on est, pour s'occuper de nos enfants, connaître nos voisins, pallier, pour que les fêtes du week-end puissent s'étendre à toute la semaine, pour que les connards du FN s'alimentent plus sur nos problèmes. Pourrions-nous avoir du temps pour discuter avec l'ennemi, pour draguer une des caissières qui bosse au monoprix, pour faire du sport, pour boire un verre, s'occuper de la qualité de l'air, pour aller voir tout là-haut comment va notre univers. Et voilà, donc Trio qui nous rappelle qu'on a tous droit à un logement, que la question de la qualité de l'air, c'est une question importante. Et donc, voilà, qui, malgré tout, questionne en tout cas sur l'aujourd'hui ses auditeurs et nous par la même occasion. Donc, il parle aussi du temps, de l'importance d'avoir du temps. Et à la limite, on pourrait imaginer qu'à un certain moment, le temps devienne un bien commun aussi, Anna. Et voilà, je me redirige vers toi, donc de l'autre côté de l'océan, c'est à Barreiras, donc dans le nord-ouest, je pense, ou nord-est en fait, du Brésil. Est-ce que tu peux nous préciser? Oui, Barreiras, c'est à Bahia, à l'état de Bahia, ouais. À l'ouest de l'état. C'est à 600 km de Brasilia, c'est la ville la plus proche, la grande ville la plus proche. Ah, c'est Brasilia, la ville la plus proche. Bien, d'accord. Oui. Donc, on se resitue un petit peu. Et donc, je disais, voilà, c'est vrai que finalement, les biens communs qui sont évoqués là sont liés aussi aux droits fondamentaux. Et c'est vrai qu'à la limite, on vit de toujours plus, en tout cas dans les villes, l'idée que le temps, c'est de l'argent et que, voilà, c'est important de pouvoir freiner et de prendre le temps. Donc, je fais référence alors à votre première compilation de textes, Anna, Entre Linhas. Mm-hmm. C'était la compilation justement sur le thème du temps, au mm-hmm. tempo. Donc, et oui. Ouais, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, nous avons travaillé le premier projet à propos du thème du temps. Et c'est intéressant parce que tous les textes qui ont été écrits, ils ont un peu retourné sur l'enfance. Les textes, mm-hmm. tous, ou sur l'enfance, ou bien sur un temps passé, bien évidemment, qui a eu de l'importance pour la personne, ou parce que c'était un temps qui apporte de beaux souvenirs, ou parce que ce serait un temps, ou c'est un temps qui, c'était un temps qui était marqué par la souffrance, par exemple. Donc, la question du temps, oui, le temps, il revient dans le texte, ou par le bonheur, ou par la souffrance. Mais, on voit bien que, les écrivains, qu'on appelle des écrivains, nos membres, ils ont besoin de faire ce trajet en retour. Oui. Mm-hmm. Est-ce qu'il reste dans quelque chose qui est de l'ordre du récit de vie personnel ou bien... Oui. Très personnel. Oui, pour l'instant, ça. On est dans un moment où les écrivains... Ils sont encore, ils écrivent encore sur leur vie personnelle. Peut-être qu'on va arriver à un moment où ils peuvent commencer à écrire, à créer des textes, fictions, hein, des fictions. Mais pour l'instant, c'est la vie personnelle qui revient. Oui, c'est peut-être parce que justement ils ont cette occasion-là de se dire finalement et d'écrire pour se dire, et peut-être que effectivement c'est le premier chemin ou le premier sujet voilà qu'on aborde avant de passer à autre chose, c'est pouvoir vraiment se dire et puis peut-être se révéler à soi-même. J'ai l'impression que l'écrivain, il a ce besoin de d'abord faire un retour sur sa propre vie, sur son propre passé. Et puis, peut-être, quand il est libéré de toutes ses émotions, disons, il est un peu libre de certains... Oui, c'est ça. Il peut alors s'ouvrir à d'autres modes, en fait, d'expression, ouvrir son imaginaire, etc. Et donc, oui, ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est un cheminement sans doute assez fréquent. Voilà, on ne peut pas demander d'être peut-être directement dans l'imaginaire si on n'a pas d'abord pris le temps de se trouver soi. Mais voilà, ça, c'est encore à voir. Ça peut être le sujet de débat pour une prochaine émission, pourquoi pas. Voilà, moi, ce que j'avais envie, c'était quand même de lire un petit extrait de cette compilation de textes au tempo. Alors, je ne sais pas si tu as envie d'en lire un extrait en portugais, Ana. Oui. Et alors... Oui, et enfin, voilà, si tu l'as sous la main, peut-être que ça vaudrait la peine. Enfin, je te proposais de lire peut-être... Pas ici, non. Non, pas ici. Et alors, moi, je ne peux pas te l'envoyer par les ondes, malheureusement. Mais sinon, je peux lire un extrait en français, puisque c'est vrai que l'émission est en français. Oui. Et voilà, c'est un extrait de Rêve d'enfance de Ramon Pessoa Souza. Je ne sais pas si je prononce bien. Ramon Pessoa Souza. Voilà. Oui. Voilà. Alors, il écrit ceci. Je sais que je ne peux pas retourner dans le passé pour me sauver du monde où je suis. Dans mon enfance, je me baignais dans la rivière en cachette. Je jouais à la toupie au milieu du cercle. Je buvais au tonneau. Je chantais des ritournelles avec les autres enfants et j'écoutais des histoires du folklore racontées par cette dame qui habitait au coin de la rue et qui s'appelait Maria Aparecida. On s'asseyait au coin du feu et on l'écoutait attentivement, comme si tout était réel, dans l'attente du jour où nous aurions la chance de trouver le vase en or au pied de l'arc-en-ciel, ou le hasard de nous trouver en face d'une de ces créatures mythologiques maladroites qui habitent les rêves et l'imagination de tous les enfants. Tout cela était magique et merveilleux, loin des monstres réels que je rencontre aujourd'hui. Le collecteur d'impôts écrasant et mal distribué, le chef de guerre des inégalités sociales et économiques, où les perdants sont toujours les plus dévalorisés, et le pire de tous les monstres, le chupacabra royal, qu'on peut assimiler aux modèles originaux qu'on rencontrait dans les contes populaires des loups-garous. Ce sont eux, les rouleaux compresseurs qui écrasent le système politique par leurs escroqueries, qui sucent l'argent des coffres publics en exploitant la vie des innocents et en épargnant les coupables. Les responsabilités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et ne seront peut-être pas celles du futur. La vie passe à un rythme accéléré, les temps changent, les choses se transforment, les belles expériences s'effacent des mémoires et les rêves de l'enfance perdent leur charme. Ce qui reste, c'est le souvenir d'un temps où la vie était un enchantement, où il ne fallait pas grand-chose pour être heureux. Voilà un court extrait de Rêve d'enfance qui a été traduit en fait par Paul Dupuis, qu'on a connu toutes les deux, hein, Ana, et donc qui a pu traduire ceci. Voilà. Lors d'une présentation à Bruxelles de l'ensemble des collectifs d'écrits. Voilà, ça c'était un beau morceau hein, que vous nous avez offert en fait, le collectif Entre Linhas. Donc on peut se réjouir de ça. C'est nous qui réjouissons de participer à ce projet, de pouvoir réunir un groupe de jeunes pour développer leur habileté d'écriture et leur potentiel et de réfléchir sur la vie, sur leur vie. Et voilà, et c'est une façon de... C'est une manière de vivre. Les collectifs d'écrit, c'est une façon de vivre pour nous. Oui. C'est très... Une façon de se sentir vivre, c'est ça? Voilà. Ou d'exister. Voilà. Ouais. Oui, c'est une bonne référence pour nous. Voilà. Parce que c'est, au moment de, c'est une rencontre où faire, disons, épanouir tout le monde, mm-hmm. n'est-ce pas? Oui, c'est ça. L'idée, c'est effectivement de soutenir chacun en fait, des participants. Mais aussi, il y a quelque chose de plus, certainement, avec la dimension collective qui s'ajoute, en fait. C'est quelque chose d'assez fort. Et puis, bon, c'est vrai que le fait, peut-être, aussi de porter ça dans l'espace public, c'est quelque chose qui est important. Voilà, qui permet aussi de se sentir vivant, en fait. Parce qu'on interpelle, on interpelle les autres par rapport à ces questions qui ne concernent pas uniquement les membres du collectif, Donc voilà, alors on parlait de rencontres et voilà, pour information, dans le projet de Scriptalinia et du réseau des collectifs d'écrit, ben, il y a une rencontre qui est organisée aussi chaque année entre tous les collectifs d'écrit. Et c'est l'occasion de vraiment sentir cette diversité culturelle dont on parlait au début. Et c'est vrai qu'il déjà est très... perceptible au sein d'un parcours, hein, dans un collectif d'écrit. Quel plaisir de voir comment chacun s'empare d'un thème d'une manière propre, avec un style qui lui est propre, avec aussi un genre littéraire qui va, voilà, qui va être diversifié. Et donc d'aboutir à quelque chose qui est à la fois... voilà, unis à travers déjà rien que l'objet du livre et puis à travers le thème, mais aussi qui est hybride en fait. Et on a vraiment une approche par différentes facettes d'une même réalité ou d'une même question. Voilà. Donc voilà, il y a cette rencontre entre les collectifs d'écrit et ce qui est important aussi par rapport à ce dont on parlait, de cette diversité culturelle, cette accessibilité, cette façon de vivre, c'est aussi le côté de l'Internet, parce que c'est vrai que sans l'Internet, peut-être qu'on n'arriverait pas à porter notre voix aussi loin, n'est-ce pas, Anna? Ah oui, heureusement, c'est un instrument fantastique pour, voilà. Et donc, pour lire les personnes. Oui, c'est ça. Alors bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de logiciels propriétaires aussi sur Internet, mais il y a aussi des logiciels libres. Et là aussi, il y a toute une réflexion sur la question des biens communs et du bien commun qu'est le support informatique. Donc ça, c'est quelque chose qui nous occupe aussi très fort. Et bon, il faut savoir que, par exemple, tout ce qu'on crée dans le cadre des collectifs d'écrit, eh bien, est sous licence Creative Commons, donc est partagé voilà, à travers l'Internet, dans l'espace public. Donc chacun peut voilà, prendre connaissance... gratuitement des écrits de chacun des collectifs d'écrits. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important, en fait. Voilà, alors, bon, pour... je vais revenir un petit peu à Bruxelles et je te disais, Anna, que chez nous, on se questionne beaucoup sur la question des communs, des biens communs. Et il y a aussi à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale à Molenbeek un cycle de réflexion sur la question des biens communs qui s'est attaché voilà, au thème du logement, au thème de la mobilité aussi. Et il y aura là aussi, comme à la Vénerie, une séance de synthèse, une séance finale, en fait, qui aura lieu le 27 mai, là, alors, à quelle heure de 14h30 à 17h. Et là, il faut peut-être essayer de chercher sur Internet les infos. Mais en tout cas, ça n'aura pas lieu à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale elle-même. Toutes les réunions ont lieu là, mais la dernière a lieu boulevard du Jubilé, au numéro 202. Et donc, il y aura... une synthèse de toutes ces réflexions-là avec un apéro de clôture. Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette question des biens communs, eh bien, on vous y invite, bien sûr. C'est certainement très important et très intéressant. Alors, vous, au niveau du Brésil, Anna, vous allez bientôt présenter vos compilations, les porter dans l'espace public aussi. Oui, nous avons... Nous aurons notre dernier rendez-vous pour finir les textes le samedi prochain. Et puis, comme nous aurons 3 semaines de vacances, nous allons prendre ce temps pour finir la compilation, organiser le texte et les livres. Et puis, au retour au début juin, nous allons faire la... Nous allons clôturer le projet en présentant le texte, en faisant dans une une réunion ici à l'université. D'accord. Pour après redémarrer sur un autre thème. Un autre thème, bien sûr. Je pense qu'on finit avec un thème et on reprend un autre thème. Oui. Parce qu'à la fin, quand tu vois le travail, c'est très stimulant pour les écrivains. C'est très stimulant quand ils voient le travail écrit, le travail final, et le travail bien organisé, le livre bien organisé, tout ça qu'on va faire, comme Scritalina a toujours fait. Donc, et après, oui, on a toutes les raisons pour reprendre un autre sujet. Et continuer à écrire. Oui, oui, c'est très beau. Et alors, ce qui est assez spécial, ce qui est original chez vous, c'est que vous avez tu as lancé un premier collectif Entre Líneas, puis dans la foulée, il y a eu un deuxième qui s'est créé, et finalement, vous allez fusionner. Donc, on va mettre en commun là, les deux expériences pour n'en vivre plus qu'une, alors, c'est ça? Oui, et oui. Voilà, c'est une belle histoire. Très proche, oui. Oui, c'est ça. Les membres du deuxième collectif d'écrit avaient vraiment envie de rejoindre Entre Líneas, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà, c'est merveilleux. Voilà, mais c'est vrai que vous faites des présentations. Et puis alors, bon, ce qui est aussi très chouette, c'est que la télévision, là, locale, vous soutient et fait vraiment assure une certaine couverture médiatique de vos événements et de vos activités. Oui, nous allons une fois, la première fois que la télévision est venue. Oui, ils ont interviewé les écrivains, ils ont présenté à la télévision. Et puis cette fois, c'est la télévision locale qui va aussi être présent le samedi, le dimanche, les 22, ils vont être présents pour voir ce qu'on fait. Ils veulent comprendre un peu ce qu'on fait ici. Et après, ils vont organiser une émission à propos du collectif d'écrit de Barreiras. Voilà, ben, tu nous tiens au courant, Anna, ça c'est sûr. Oui. J'en profite pour quand même préciser qu'il y a un site qui est en portugais, hein, des collectifs d'écrit. Alors, c'est www.collectivosdoescrita.org. Alors, peut-être que tu peux épeler collectivosdoescrita, Anna? Collectivo de escrita, C-O-L-E-T-I-V-O-S D-E-E-S-C-R-I-T-A. Voilà, et tout ça en attaché, et avant les 3 W et après le org, et tout ça encadré évidemment aussi de points. Donc voilà, vous êtes invité à aller voir ce site-là aussi, si vous êtes lusitanophone, et sinon ben, je vous ai déjà rappelé le site des collectifs d'écrit. Alors, pour me reconnecter peut-être avec un autre collectif d'écrit, celui dont j'ai parlé au tout début de l'émission, Anna, tu n'y étais pas encore. Mais donc, il y a un collectif d'écrit qui, ce matin, a présenté une compilation sur le thème de l'environnement et de la nature. Et ça, bien sûr, c'est clair que c'est un bien commun qu'il faut préserver. Et donc, c'est dans ce sens-là que le collectif a écrit des textes, vraiment pour interpeller... voilà, les auditeurs, les lecteurs, par rapport à cette question, et pouvoir exprimer en fait toute une série d'idées par rapport à ça, l'importance en fait et l'urgence de prendre soin de la nature. Donc, cette compilation de textes, eh bien, Elle va être à nouveau présentée le 4 juin à De Boekenmolen, qui est la bibliothèque néerlandophone de Molenbeek, donc au 47A rue du Jardinier à Molenbeek. Et donc, vous avez toutes les informations sur le site, et si, donc le site collectifdécrit.org. Et si vous avez envie d'y participer, c'est gratuit, vous êtes les bienvenus. On vous demande juste d'écrire un petit mail peut-être à info@collectifdécrit.org, ou bien si vous êtes sur le site, cliquez sur l'onglet contact et là écrivez voilà, juste un petit mot pour dire que vous allez être là. Ça nous permet de mieux organiser ça. Alors, si vous ne pouvez pas vous mobiliser le 4 juin, sachez que le 28 mai, il y a la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, toujours à Molenbeek, qui fête ses 10 ans. Et ben voilà, il y aura notamment l'occasion de rencontrer le collectif d'écrit de la diversité à la créativité, qui va présenter aussi des extraits de ces textes dans la grande salle l'après-midi. Mais donc il y aura plein de choses à voir ce jour-là, donc à la Maison des Cultures le 28 mai. Alors, bon, mais si malheureusement vous ne pouvez pas venir à Bruxelles, n'est-ce pas, Anna? Alors, il faut savoir qu'il va y avoir des émissions radio. Alors, évidemment, donc la prochaine émission radio de Radio Air Libre qui va être organisée, eh bien, elle le sera autour de Course à l'envers, Vlammen de nature, donc cette compilation de textes sur la nature. Et donc, ça aura lieu le 16 juin. De 18h à 19h, donc dans des livres pour dire. Et puis, si vous êtes vraiment très impatient, vous avez envie de rencontrer encore d'une autre manière le collectif, eh bien, vous allez pouvoir vous connecter, faire preuve peut-être d'infidélité à Radio Air Libre et vous diriger vers Radio Panique. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit à une autre occasion, c'est une radio sœur. Et là, c'est donc Radio Panique, c'est 105.4. Il va y avoir une émission dans le cadre de Radio Maritime le mardi 30 mai de 11h à midi, une émission qui va être consacrée notamment au collectif et à la présentation du collectif. Et voilà, donc Thibaut Kakelberg a interviewé deux écrivantes du collectif. Donc vous allez pouvoir écouter ça le 30 mai de 11h à midi sur Radio Maritime, donc émission de radio Panique 105.4 FM. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations, hein, je sais, Anna, mais voilà, je crois qu'effectivement, c'est une preuve aussi que les collectifs d'écrit sont bien vivants. À ce propos-là, si vous avez envie de rejoindre un collectif d'écrit, ben, que ce soit à Bruxelles, il y a cette possibilité de rejoindre à l'heure actuelle l'un ou l'autre collectif d'écrit. Donc, à nouveau, contactez-nous via le site. Il y a donc, j'imagine, Anna, qu'il y a la possibilité aussi de rejoindre le collectif Entre Líneas, mais seulement si on est étudiant, alors dans le cadre universitaire, là-bas au Brésil. Pas nécessairement. C'est ouvert à toute la société, parce que on appelle ça un projet d'extension, c'est un projet tourné vers la société. Donc, aussi bien les étudiants comme quelqu'un dehors de l'université peut participer. Tu sais, on ne le ferme pas. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Mmh. Donc, vous ouvrez ça, c'est effectivement, alors ça devient un vrai bien commun. Alors, cette possibilité de prendre place à travers l'écrit dans l'espace public, dans notre société. Et donc, si vous nous écoutez et que vous avez envie aussi de lancer un collectif d'écrit, eh bien, inscrivez-vous à la formation des 13 et 14 juillet à Bruxelles via le site à nouveau, c'est le plus simple. Voilà, il est l'heure de se quitter, Anna. Un tout grand merci pour ces échanges, pour cette énergie, pour ce partage. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, Isabelle. Et c'est un grand plaisir pour nous de participer à cette émission Et oui, et on espère que nous aussi, on aura la possibilité de vous inviter à participer d'une émission, ici au Brésil. Voilà, ça serait merveilleux. On va bientôt organiser. D'accord, eh bien, on reste de toute façon en contact. Merci beaucoup à toi, Sylvie, pour cette prouesse de la technique que tu as réussi à accomplir une fois de plus. Et voilà. Je vous donne rendez-vous de toute façon dans un mois, le 16 juin, avec une nouvelle émission. Mais si vous avez raté cette si vous avez envie en fait de faire partie, d'entendre encore cette émission plutôt, rattrapons-nous. Eh bien, c'est possible dans 2 semaines, donc le jeudi de 18h à 19h. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. On n'entend pas. Oui. Nous les belles histoires de ton pays, parlons du bled et de la famille. Dis-moi c'est quoi être un chaoui, pourquoi ici ou au pays. On m'appelle toujours l'immigré, pourquoi c'est dur d'être un petit peu breton, un petit peu trop beurré. Aujourd'hui j'ai mes 30 ans, et puis comme toi en souriant, j'affronte la vie avec mes rêves, comme le font des tas d'enfants. Maman me le dit, écoute mon fils, il serait peut-être temps que tu grandisses. Mais pour grandir faudrait déjà que je choisisse. Badam, badam, y'a plus grand chose qui me tente. Badam, badam, c'est bien pour ça que je chante encore et puis j'oublie pas tout ce qu'on me dit, tous ces moments de ma vie qui viennent traverser mes nuits. Badam, badam, plus grand chose qui m'enchante. Badam, badam, c'est bien pour ça que je tente encore et puis j'oublie pas tout ce qu'on me dit, tous ces moments de ma vie qui viennent traverser mes nuits. L'air de rien, t'es arrivé, tes beaux yeux, ton beau sourire. Sur ma guitare, je t'ai même chanté, petite Marie, je t'aime à mourir. Je t'ai même envoyé plein de textos à 3-4 heures du matin. On a flirté comme des gamins, t'as vu l'amour, c'est top trop bien. Mais l'amour, ça change un homme, et toi t'as changé toute ma vie. Je sais pas si le bon Dieu t'a gâté quand il t'a dit occupe-toi de lui. Lui c'est moi, et moi chaque soir, je fonds en larmes sur ma guitare. J'aime pas la vie, mais depuis toi, y'a comme une touche d'espoir. Badam, badam, t'es bien la seule qui me tente. Badam, badam, c'est bien pour toi que je chante encore et puis j'oublie pas tout ce qu'on se dit, tous ces mots doux et tendres qui viennent caresser nos nuits. T'es arrivé, et puis maintenant je fais comme tout le monde. Chaque soir, au pied du lit, je raconte des petites histoires immondes. Alors tu vois, la cigogne, c'est elle qui fait les petits enfants. Et la petite souris te ramènera plein de thunes quand je t'arracherai toutes tes dents. Et le Père Noël, fière allure, à 100 à l'heure sur son traîneau, il perdra 10 bons kilos à te ramener tous tes cadeaux. Je mentirai pas si je te dis, mon enfant, la vie est belle. Et puis des fois, elle te brûle les ailes, tu la prendras et tu me diras, papa. Papa, y'a pas grand chose qui me tente. Papa, papa, je sais pas pourquoi que tu chantes encore et puis à croire que t'as rien compris. Et réveille-toi, papa, ça dure pas toute une vie la nuit. Papa, papa, y'a pas grand chose qui me tente. Papa, papa, je sais pas pour qui que tu chantes encore et puis à croire que t'as rien compris. Et réveille-toi, papa, ça dure pas toute une vie la nuit. Ça dure pas toute une vie la nuit. Et toi papa, ça dure pas toute une vie.